إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans la lecture du livre de l'explication de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements de l'islam. Et c'est avec l'explication du Cheikh Zayd al-Madkhali, comme c'est mentionné sur l'affiche et comme on l'a annoncé au dernier cours. Au dernier cours, on a parlé de qu'est-ce qui a rapport avec Al-Ilm. Et on a parlé aussi de la partie de As-Sabru ala al-Adha fihi, c'est-à-dire en ce qui concerne la science, le fait de faire preuve d'endurance dans la prêche, dans le fait de faire la da'wah lorsqu'on invite les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport au ilm, il y avait quelques questions qui ont été posées la semaine passée au frère Shakir au sujet du ilm. Et donc j'ai voulu rajouter quelques clarifications à la réponse que le frère Shakir avait donnée la semaine passée en anglais. Parce que je crois que dans la question de la personne, il y avait quelques shubuhat. La question de la personne concernait Al-Ilm. Donc avant de rentrer dans le cours d'aujourd'hui, je vais juste faire quelques clarifications à ce sujet-là. Premièrement, les fondements du ilm, les bases du ilm selon Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a, c'est bien entendu Al-Qur'an, premièrement. Donc la première source de législation et de science dans l'islam, c'est Al-Qur'an. Ensuite, As-Sunnah. Et il y a des ulama, lorsqu'ils parlent de ces deux premières sources-là, ils les mettent ensemble. Parce qu'ils ne font pas de distinction entre Al-Qur'an ou As-Sunnah, dans le sens que toutes les deux sont des preuves dans la charia, hein, et sont une révélation divine qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une preuve dans la religion, et c'est la base. Et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est également une preuve dans la révélation, puisque ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon la passion ou sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Donc la sunna fait partie de la révélation aussi. Et c'est pour cette raison-là que les ulama, ils la mentionnent comme faisant partie de la révélation et comme étant une source dans tashri', dans la législation. Donc ça, c'est la deuxième source, où il y a la première et la deuxième. Ensuite, la troisième, c'est al-ijma', hein, le consensus. Et c'est le consensus, bien entendu, des premiers musulmans, des sahaba. Donc ça aussi c'est considéré comme étant une source dans la législation. Lorsqu'ils sont tous d'accord sur quelque chose, eh bien c'est considéré comme étant une preuve, hein, dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est célèbre aussi, la tajtami'u ummati ala dalala, hein, ma umma ne va pas s'unir sur l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quiconque donc fait scission avec le messager après que la vérité lui a été clarifiée et qui suit par la suite autre que la voie des croyants. La voie des croyants, les croyants dont on, au sujet desquels on fait allusion dans ce verset-là, ce sont les sahabas. Puisque au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'autres croyants que les sahabas. Hein? Wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Donc, et qui suivent autre que la voie des croyants, nous allons les laisser se détourner comme ils se sont détournés. Nous les brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont fait scission avec le messager et qui ont suivi autre que la voie des compagnons. Ces deux-là sont sous la menace. Sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'enfer. C'est la preuve que le fait de suivre autre que la voie des croyants est quelque chose donc qui fait partie de la, yani de qu'est-ce qui peut nous amener à l'enfer. Et donc, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, les ulama, ils se basent sur ce verset-là pour justifier l'ijma. Et il y a un autre parmi les principes qui sont parmi les fondements de la charia aussi, c'est al-qiyas, c'est-à-dire l'analogie. Et al-qiyas, c'est le quatrième fondement. Donc, c'est de faire une analogie entre deux choses. La première, au sujet de laquelle il y a une preuve dans la charia, qui est explicite et qui est authentique. Et la deuxième, au sujet de laquelle il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de texte clair et explicite à son sujet. Donc, on fait une analogie entre les deux pour établir un verdict sur la chose sur laquelle il n'y a pas de preuve. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-qiyas. Et, bien entendu, ça nécessite certaines conditions et certaines connaissances ou compétences. Et pour y arriver, bien entendu, il faut que ce soit fait par des ulama, des grands savants qui ont des bases et des fondements très fermes et très yani, approfondis dans la connaissance de la charia et des autres domaines qui sont reliés à ça. Donc ça c'est de façon générale. Et en ce qui concerne donc les fondements de la science, ça, c'est pour Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ces choses-là c'est clair. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus, on est tous d'accord sur ces fondements-là. Toutefois, chez certains groupes parmi les gens de Bid'ah, il y en a qui ont des choses qu'ils ont voulu rajouter dans les fondements du Tashri'a, des choses qui n'ont rien à voir avec la Sharia. Par exemple, chez les Soufis, hein, ils ont ajouté certains éléments qu'ils considèrent eux comme étant des références ou des preuves ou des sources dans la législation ou dans la religion, et ils se basent sur ces choses-là. Par exemple, qu'est-ce qu'ils appellent Al-Kashf ou bien Al-Ru'a, c'est-à-dire le fait qu'ils croient que certains d'entre eux, parfois, on peut leur dévoiler, ils peuvent être dévoilés certaines connaissances secrètes ou certaines choses que personne d'autre ne peut connaître, aussi par des visions ou des rêves. Et donc, c'est sur ça qu'ils se basent. Et tous les ulama de l'islam sont d'accord en général sur ce fondement que ça fait pas partie des sources de législation dans l'islam. Donc quelqu'un peut pas dire je vais faire une prière que j'ai appris dans un rêve. Un ange est venu me voir dans un rêve ou un prophète est venu me voir dans un rêve et il m'a dit de prier de telle façon ou de telle façon. Ou de dire tel dua ou de faire tel zikr. Ça ne fait pas partie des sources de la législation. Et si quelqu'un ramenait quelque chose de ce genre, on lui dirait que qu'est-ce qu'il fait, si c'est en contradiction avec qu'est-ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna, et qu'il prétend l'avoir appris dans un rêve, ou dans une législation, une vision, on dirait que cette chose-là ne fait pas partie de l'islam, et qu'on ne peut pas l'accepter, parce que ça c'est pas une preuve dans la charia. Hein? Et c'est pourquoi je mentionne ça, c'est parce que au dernier cours, il y a un frère qui a posé la question à propos de la science de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et il mentionnait que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, c'est le sahabi parmi tous les sahaba qui avait le plus de science. Il avait plus de science que tous les autres sahaba, et c'est normal parce qu'il était parmi tous les sahaba celui qui a accepté l'islam le premier parmi les hommes. Et qui avait à peu près le même âge que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'ami du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même avant l'islam. Et, pardon, même avant la révélation. Hein, donc il était l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant la révélation, c'est-à-dire même avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un messager, un prophète. Et non seulement ça, mais il a yani, participé donc à toutes les batailles et il a traversé toutes les épreuves dans l'islam. Il a fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et yani, donc il y a beaucoup de choses de ce genre qui montrent que à quel point Abu Bakr radiallahu anhu était proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et yani, il était également donc le premier khalifa, celui qui a succédé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça montre que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu était un des plus proches sahabi, sinon le plus proche de tous les sahaba au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc celui qui avait plus de connaissances à propos de l'islam et de la sunna. Toutefois, quand on analyse ou quand on observe la sunna, on constate que le nombre de hadiths qui ont été rapportés par Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu est bien moins grand que les hadiths qui sont rapportés par d'autres sahaba. Donc la personne a ramené cette question là tandis qu'on voit qu'il y a d'autres sahaba qui sont plus jeunes, qui sont plus jeunes que Abu Bakr radiallahu anhu, comme Abu Abdullah ibn Abbas ou Abu Huraira, hein, et d'autres, Ibn Omar, qui ont rapporté plus de hadiths, hein, et qui étaient moins savants que Abu Bakr radiallahu anhu. Donc la personne disait, donc où est partie la science de Abu Bakr? Où est partie la science de Abu Bakr qu'on n'a pas donc dans les hadiths qui sont, hein, rapportés, yani, dans les hadiths qu'on possède, qui sont un très petit nombre, qui sont les hadiths rapportés par Abu Bakr al-Siddiq. Donc il essayait en même temps indirectement de faire comprendre qu'il y a une autre science, parce que c'est ça que les soufis propagent. Les soufis essayent de faire comprendre qu'il y a une partie de la science qui est cachée, qui est secrète, et que cette science-là, elle n'a pas été révélée à tout le monde, juste à Abu Bakr radiallahu anhu. Ou bien il y en a d'autres qui vont dire juste à Ali radiallahu anhu, comme les Shia par exemple ou d'autres, qu'eux ils ont une connaissance secrète que les autres sahabes n'ont pas reçue, hein, et que cette science là elle a été transmise de génération en génération selon une chaîne, hein, secrète, que, et que personne d'autre que ceux qui sont dans cette chaîne là ont eu accès à cette science, jusqu'au chef des différentes turuq soufiya qui existent actuellement aujourd'hui. Et donc il dit, nous on possède le secret, hein. Et bien entendu, toutes ces chaînes qu'ils prétendent sont des chaînes qui sont faibles et qui ne sont pas authentiques et qui n'ont aucune réalité. En ce qui concerne la science d'Abu Bakr, hein, radiallahu anhu, eh bien il est important de comprendre que cette science-là, elle n'a pas été perdue, bien au contraire. Et que les sahabas qui sont plus jeunes, lorsqu'ils ont rapporté les hadiths, ils ont rapporté les hadiths des sahabis qui étaient là bien avant eux. La preuve, Abu Huraira et Abdullah ibn Abbas et d'autres sahabas ont parlé des événements qui se sont passés avant eux, avant leur naissance, ou bien qui se sont passés alors qu'ils étaient très petits. Comment ils ont pu parler de ces événements-là? C'est parce qu'ils ont appris ces événements et ces sciences des sahabis qui étaient plus âgés. Et quand ils le rapportaient comme étant quelque chose qu'ils ont transmis directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans nécessairement mentionner que ça vient de Abu Bakr ou de Omar radiallahu anhuma, ou un autre sahabi qui était plus âgé. Parce que les ulama, ils considèrent que tous les sahaba sont des gens fiables, hein, et que leur hadith est authentique, du moins que c'est eux qui l'ont rapporté, parce qu'ils sont des rapporteurs honnêtes. Et si un sahabi rapporte une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a entendu d'un autre sahabi, eh bien il n'a pas besoin de mentionner qu'il l'a entendu d'un autre sahabi, il peut la rapporter directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et yani, les ulama sont d'accord là-dessus, hein. Donc ça c'est clair, c'est une chose qui est claire, que la science que Abu Bakr avait, il l'a transmise aux sahabi, aux autres sahaba, et eux l'ont transmise aux autres générations par la suite. Et cette science-là, elle n'a pas été perdue, bien au contraire. Et il est interdit de cacher, donc, de la science. Hein? Ça, c'est une chose qui est connue. Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le Coran, dans Surat al-Baqarah. Dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait la menace à toute personne qui possède une science et qui la cache. Hein? Et il dit إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Ça c'est le verset. Dans ce verset là, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: ceux qui cachent, hein, ce qu'on a fait descendre, parmi les preuves claires, et la guidance, hein, qui cache ces choses-là, après que nous l'ayons clarifié pour les gens dans le livre, ceux-là seront maudits par Allah et maudits par tous les hommes, excepté ceux qui se sont repentis. إِلَا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا, et qui ont corrigé le mal qu'ils ont fait, وَبَيَّنُوا, et qui ont expliqué, clarifié, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, cela j'accepterai leur repentance. Donc ça c'est par rapport donc aux gens qui cachent la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans un hadith qui est authentique aussi: مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يوم القيامة. Celui qui cache une science, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui coudre la bouche avec du fil de feu au jour de la résurrection. Donc ça veut dire que celui qui cache une science, il commet un grand péché, n'a pas le droit de cacher même un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la sunna, elle a été transmise, elle a été clarifié, expliqué, transmis de génération en génération, protégé, nettoyé de toute, hein, imperfection et faiblesse et choses fabriquées. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de raison de douter, et il n'y a pas de place ouverte à qu'est-ce que prétendent les soufis, hein, quand ils prétendent qu'ils ont cette connaissance secrète que seulement eux connaissent, hein, et qu'ils ramènent leur mensonge et leur falsification de l'islam et de la charia. Ça, c'est très important d'être au courant de ça. C'est dans le sens, oui, c'est ça. Dans le sens que lorsque c'est le moment de clarifier quelque chose de la vérité par rapport à l'islam, eh bien, on n'a pas le droit de le cacher. D'accord? On n'a pas le droit de le cacher ou bien de camoufler la vérité, de cacher la vérité pour empêcher les gens de la connaître. D'accord? Et il y a aussi chez les chiites ce genre de problème aussi en ce qui concerne les fondements de la science et leurs références ou leurs sources. Parce que pour les gens d'Ahl al-Sunnah, comme on l'a dit, la base c'est Al-Kitab ou Sunnah, le livre, la Sunnah, et Al-Ijma' ou Al-Qiyas. Tandis que pour les chiites, Rafidah, Al-Ithna'ashriya, ceux qui suivent leurs 12 imams, eh bien pour eux, les paroles de leurs 12 imams ont précédence sur le Coran et sur la Sunna. Et en fait, pour eux, la Sunna, la majorité de ce qui existe de la Sunna, elle est rejetée par les Shia Rafida. Ils n'y croient pas. Donc, tu peux leur ramener des hadiths d'Al-Bukhari et Muslim, hein, ils les rejettent. Pourquoi? Parce que la majorité des Sahaba, pour eux, sont des kuffars après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont toutes des mécréantes. Hein, et les insultes. De même que la plupart des grands sahaba comme Abu Bakr ibn as-Siddiq radiyallahu anhu et Omar ibn al-Khattab et Uthman ibn Affan, hein, sont des kuffars pour les rafidah, shia, hein, de même que le reste des sahaba, hein, excepté quelques-uns d'entre eux, 5 ou 6, qui ne sont pas selon eux des kuffars. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils rejettent la sunna. Hein? Et ils prétendent également que le Coran qu'on possède, c'est pas le vrai Coran. et que le Coran, le vrai, il est caché en ce moment avec le Mahdi al-Muntazar qu'ils attendent, qu'ils prétendent que c'est quelqu'un qui est à sa naissance devenu invisible, qui est né il y a 1200 ans de cela et qui se cache actuellement, qui est invisible pour ne pas le voir, et que lorsqu'il va sortir à la fin des temps, il va sortir avec lui, soi-disant le vrai Coran des Shia. Et dans ce Coran-là, supposément qu'il y a la mention de Ali, hein, et que c'est lui qui devait être le khalifa après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, tout ça c'est des mensonges, hein, et c'est des fabrications de leur part. Donc, ça c'est des exemples qui montrent que ces gens-là, ils ont d'autres fondements que les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. En ce qui concerne donc les Rafidah, c'est clair que ces gens-là sont en dehors de l'islam. Toutefois, en ce qui concerne les soufis, eh bien ça dépend. Certains d'entre eux, à cause de leurs innovations et leur égarement extrême, il y en a parmi eux qui sont en dehors de l'islam, tandis que parmi eux, il y en a qui ne sont pas en dehors de l'islam, mais bien entendu qui sont dans la bid'a, dans l'innovation, à cause des choses qu'ils ont inventées et fabriquées dans l'islam, qui n'a aucun lien avec les textes. C'est-à-dire, il n'y a aucune preuve dans les textes ni dans les hadiths authentiques au sujet de ce qu'ils font. Comme par exemple la croyance en Wahdatul Wujud, la croyance en l'idée que tout est Allah, et Allah est tout. Donc, tout ce qui existe, c'est Allah. Et Allah est tout. Et il est en toutes choses. Ça, c'est la croyance des hindous, des panthéistes. Eh bien, ils ont, hein, ces soufis, ils ont incorporé ça dans l'islam. Ou bien, ils ont pris ça de l'hindouisme ou du bouddhisme, hein, avec leur croyance en le nirvana ou d'autres trucs comme ça. Et puis, ils ont pris ça aussi chez les chrétiens, ils ont pris des idées chez les juifs et chez d'autres philosophies anciennes, des grecs et autres, et ils ont mélangé ça avec l'islam et ils en ont fait une croyance ésotérique que seuls eux connaissent, que seuls eux peuvent comprendre parce qu'ils ont été initiés. Et c'est pour ça que pour devenir soufi, il faut passer par une initiation avec un de leurs cheikhs pour être initié à leur secret. Et tout ça, bien entendu, c'est une voie vers le shaitan parmi les différentes voies d'égarement. Hein? Eh oui, il y a du shirk là-dedans, il y a du bid'ah aussi, comme par exemple le fait de faire des danses dans la mosquée, de tourner en rond, de faire des hadra comme ils prétendent, lorsqu'ils font, qu'est-ce qu'ils appellent des hadra, nous avons déjà parlé, ils se mettent en rond dans une mosquée, et puis ils commencent à faire des tambour, et puis ils commencent à chanter tous ensemble, ou à faire des écrans à haute voix, en faisant des mouvements, hein, et des danses. Et puis ils pensent qu'à ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apparaît en personne, et qu'il vient parmi eux. Et souvent, ils font ça lorsqu'ils font la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, bien entendu, c'est des choses inventées, qui n'ont aucune référence dans le Coran ou dans la Sunna authentique. Donc ça, c'est des exemples de bid'ah. Et parmi les erreurs qui existent aussi en ce qui concerne les fondements de la science et les références de la science dans la Sharia, il y a qu'est-ce qu'on remarque chez les Asha'ira et les Maturidiyya, chez les Mu'tazila aussi, du fait de mettre ou de donner précédence à la raison sur la révélation dans les questions de religion, et en particulier en ce qui concerne la connaissance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, ils considèrent que la base, la source pour connaître Allah, eh bien pour eux c'est l'aql, c'est la raison. Et tout ce qui est en contradiction dans le Coran et dans la Sunna avec ce que leurs raisons ont établi comme principe soi-disant rationnel, eh bien ils essaient de le déformer, de déformer son sens, ou bien de renier son sens, hein. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'ils font comme qu'est-ce qu'on appelle tahrif, la déformation des sens réels des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est juste un petit point que je voulais mentionner pour commencer, pour vous faire pour que vous soyez au courant de ces shubuhat et pour vous mettre en garde contre ces choses-là. Et on aura l'occasion d'en reparler plus tard inshallah au fur et à mesure qu'on avancera dans le dars. Donc le cheikh, on est arrivé à la partie du livre où le cheikh il dit: « Wa qala al-Shafi'i rahimahullah لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. C'est-à-dire que le cheikh il mentionne que l'imam Shafi'i rahimahullah, un des imams parmi les imams des salaf al-salih rahimahullah wa radiyallahu anhu, il dit si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé aucun autre verset, aucune autre sourate plutôt que celle-là comme preuve sur sa création, eh bien elle aurait été suffisante. De quelle sourate on parle? On parle de sourate al-Asr. Surat al-Asr, wal-Asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bil-sabr. Par le temps, certes, l'homme est en perdition, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres et qui se sont enjoints mutuellement la vérité et qui se sont enjoints mutuellement dans la patience et l'endurance. Donc ce verset-là, si Allah avait fait, l'imam Shafi'i dit, si ce verset, si cette sourate avait été la seule que Allah avait révélée aux hommes, comme preuve, elle aurait été suffisante. D'accord? Et le Cheikh il explique maintenant cette parole. Wa waqfuna عند قول الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Donc, avant de continuer, donc, on va expliquer un petit peu qui est l'imam Shafi'i. Parce que le frère ici, il a mentionné, ou le cheikh ici, il a mentionné en note de bas de page, la biographie, une courte biographie de l'imam Shafi'i, pour qu'on puisse le connaître. Et c'est important de le connaître parce qu'il fait partie des imams de l'islam. Parmi les quatre imams de Ahl al-Sunnah wal Jama'a auxquels on a attribué une école, ou bien qu'est-ce qu'on appelle en arabe un madhab. Parmi les madhabs, des gens de la sunna. Donc c'est parmi les ulama un des plus importants de l'histoire de l'islam. Qu'est-ce qu'il dit l'imam qu'est-ce qu'il dit le cheikh à propos de l'imam al-Shafi'i? Il dit huwa al-imam 'alim 'asrihi nasir al-hadith faqih al-milla Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas al-Shafi'i. Donc c'est l'imam, le savant de son époque, le défenseur du hadith, le savant, hein, le faqih de la religion, Abu Abdullah, c'est sa kunya, Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas al-Shafi'i. Il est né dans la ville de Gaza, en Palestine aujourd'hui. Sa mère, lorsqu'il avait l'âge de 2 ans, elle l'a amené à Mecca, parce que sa descendance est à Mecca. L'imam al-Shafi'i, dans sa généalogie, il a un lien qui le ramène à la même généalogie de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est Qurashi. Hein? L'imam Shafi'i est un Qurashi lui aussi. Et sa mère l'a amené à l'âge de 2 ans donc à Mecca pour qu'il ne perde pas ses liens de parenté. Et ensuite, il a récité le Coran. Qara'a al-Qur'an. وهو ابن سبع سنين. Donc il a fini de réciter le Coran à l'âge de 7 ans. Quand on dit réciter le Coran, la plupart des gens aujourd'hui, ils vont peut-être pas comprendre qu'est-ce que ça signifie, parce que cette chose-là, surtout en Amérique du Nord, on connaît pas. Mais c'est que la réalité, c'est que le Coran, il se prend pas par la lecture seulement. Tu fais que tu prends le mushaf puis tu le lis. Le Coran, il s'apprend de bouche à oreille, en fait. Et c'est pas juste de le lire tout seul, mais c'est de le lire à un cheikh qui va te corriger ta récitation et qui va t'apprendre la récitation correcte. D'accord? Et c'est comme ça que le Coran a toujours été enseigné dans les pays musulmans avec les chouyours et les ulama dans les mosquées. Hein? Les élèves apprennent avec le cheikh la récitation du Coran et la mémorisation du Coran. Donc, à l'âge de 7 ans, il a fini de lire le Coran et de le mémoriser, donc, avec un des mashaykhs de Mecca. Il avait 7 ans. Il a mémorisé Al-Muwatta de l'imam Malik à l'âge de 10 ans. Et Al-Muwatta de l'imam Malik, c'est un des livres de hadith les plus anciens parmi les livres. Et l'imam Malik, c'est un des 4 imams dont j'ai mentionné tout à l'heure, les 4 imams d'Ahl al-Sunnah qui sont parmi ceux à qui on attribue un madhab. Eh bien, l'imam Malik est celui qu'on appelle imam Dar al-Hijra, l'imam de Al-Madinah, Pourquoi? Parce que c'est un des grands savants de la Sunna et de du Hadith qui n'a jamais quitté la ville de Al-Madina. Il est resté toute sa vie à Médine et la seule fois où il est sorti, c'est lorsqu'il est allé faire le Hajj à Mecca. Et sinon, il est retourné. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel chez les ulama. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre les ulama voyageaient à l'époque, d'une ville à l'autre. Et en fait, ils ne considéraient pas quelqu'un comme étant un vrai savant ou un vrai talib ilm jusqu'à ce qu'il ait voyagé. Sauf que, étant donné que l'imam Malik était dans une ville, Al-Madina, où il y avait un grand nombre parmi les grands ulama, les imams des tabi'in et des tabi'in, il n'a pas eu besoin de voyager puisque la science était là, disponible. D'accord? Donc ça c'est un des exemples. Donc l'imam Shafi'i fait partie des élèves de cet imam qui est l'imam Malik. Et il a mémorisé son livre Al-Muwatta à l'âge de 10 ans. Et il dit ensuite ici, « Wa afta wa huwa ibn khamsa ashra sana ». C'est-à-dire à l'âge de 15 ans, il a eu la permission de donner des fatwas. Et l'imam Yani, donc à Shafi'i, a commencé à donner des fatwas. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui donne des fatwas à n'importe quel moment parce qu'il a lu un livre ou bien parce qu'il a lu sur Internet. Il pense que ça y est, il est apte à donner des fatwas. Non, bien entendu qu'il y a des conditions et il y a des règles à ça. Et c'était seulement les grands ulama qui avaient le droit de donner des fatwas, peu importe leur âge. C'est-à-dire du moment qu'ils ont eu la permission de leurs shuyukh et des ulama de l'époque pour qu'ils puissent donner des fatwas parce que les ulama ont considéré qu'ils sont prêts à le faire parce qu'ils possèdent les connaissances et les outils nécessaires. Et bien à partir de ce moment-là, ils commençaient à donner des fatwas, mais pas avant. Et l'imam Malik, justement, rahimahullah, il a dit, je n'ai pas donné de fatwas avant avoir demandé à 70 d'entre les chouyours de Médine, la permission avant de le faire. Donc ça c'est pour dire à quel point la question de la fatwa est une question sérieuse et grave et dangereuse et que c'est pas n'importe qui peut se permettre de le faire et que à l'époque de ces grands imams et de ces salafs, eh bien on voit que justement ils donnaient une grande importance à ça et si cet homme-là, l'imam Shafi'i, a eu la permission à 15 ans de donner la fatwa, ça ne fait que montrer en fait la grandeur de sa science et son intelligence malgré son jeune âge. Le cheikh il dit ensuite « Waqila ibn Thamaniya Sana » et d'autres ont dit parmi les savants que c'était à l'âge de 18 ans. « Usannafa at-tasanif wa dawwana al-ilm » donc il a écrit de nombreux livres, l'imam Shafi'i. Et il a yani, écrit la science donc dans des différents livres. Parmi les livres qu'on connaît de la part de l'imam Shafi'i, il a le livre, le célèbre livre Ar-Risala, qui est le premier livre qui a été écrit dans le domaine de Usul al-Fiqh. C'est le pionnier parmi les ulama qui a écrit dans cette science. C'est-à-dire que cette science, avant l'imam Shafi'i, elle existe. Elle existe, cette science, elle est connue dans le Coran, dans la Sunna et dans la compréhension des Sahaba, elle existe. Sauf qu'elle n'était pas mise par écrit, d'accord? Et avec l'apparition des gens de Bid'a à l'époque, yani, l'imam Shafi'i probablement qu'il a craint que des gens commencent à jouer avec les textes, commencent à essayer de l'interpréter à tort et à travers. Et donc c'est là qu'il a décidé donc de mettre dans ce livre-là les fondements pour être capable justement d'extraire les verdicts à partir des textes du Coran et de la Sunna. Et c'est pour cette raison-là donc qu'on appelle ce livre-là Risala et qu'on dit que c'est la base des livres qui ont été écrits par la suite sur le sujet qui s'intitule ou qu'on appelle Usul al-Fiqh, les fondements du fiqh. D'accord? Et donc ça montre aussi sa grande science, sa grande compréhension de la religion. Également, ورد على الأئمة متبعا الأثر وصنف في أصول الفقه وفروعه وبعد صيته وتكثر عليه الطلبة. Donc c'est ça. Il a écrit aussi d'autres livres comme par exemple Al-Umm. Al-Umm, c'est un livre qui est connu de parmi les livres de l'imam Ash-Shafi'i. Puis il a d'autres livres aussi également. Mais bon, bien entendu, je ne mémorise pas tous les noms de ces différents livres, mais ça fait partie des plus importants. Ensuite, il est mort en l'an 204 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 204. Et il avait au moment de sa mort, il avait 54 ans. Rahimahullah. Donc ça, c'est pour qu'on sache qui était l'imam Shafi'i. Donc on a mentionné qu'il était l'élève de l'imam Malik. Donc s'il était l'élève de l'imam Malik, on sait la grande science de l'imam Malik et son statut dans la religion. Donc ça nous fait comprendre un peu de son statut à lui. Il y a aussi parmi ses élèves et ses shuyukh l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui lui aussi fait partie des quatre grands imams de Ahl Sunnah. D'accord? Et donc il a étudié avec l'imam Ahmad et il a aussi enseigné l'imam Ahmad. Donc il a été élève et professeur de l'imam Ahmad en même temps. Parce que parfois les shuyukh, ils étaient, en même temps qu'ils étaient élèves, ils étaient en même temps cheikh de leurs élèves aussi. Ils étaient cheikh et élèves en même temps parce qu'ils apprenaient les uns des autres. Donc à propos de cette explication ou cette parole de l'imam Shafi'i, le cheikh Zayd al-Madkhali, il dit « Wa hadha ta'bir yadullu ala umq fiqh Shafi'i » ومعرفته بمعاني كلام الله تبارك وتعالى وهكذا كل من أمعن النظر رأى أنه لو ما أنزل الله على الخلق إلا هذه السورة التي فيها دعوة الخلق إلى الإيمان بكل ما يجب الإيمان به لأن الله قال إلا الذين آمنوا وفيها الدعوة إلى العمل الصالح على اختلاف أنواع التكاليف من فرائض وواجبات ومسنونات وفيها دعوة الناس إلى الحق والعمل به والصبر على الأذى فيه فحق للشافعي رحمه الله أن يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم كيف وقد أنزل الله 114 سورة منها الطوال ومنها المئين ومنها دون ذلك ومنها المفصل وهذا أمر معلوم لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه كما قال في قوله كما في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Donc le cheikh explique que cette expression de l'imam Shafi'i, elle montre la profondeur de sa compréhension de la religion et de sa connaissance des significations de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc toute personne qui réfléchit et qui analyse ou qui observe ce que mentionne cette sourate, il va comprendre ou il va constater que si Allah n'avait révélé aucune autre sourate à sa création que celle-là, eh bien, elle aurait été suffisante. Parce que dans cette sourate, il y a l'invitation de la création à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à la foi, l'iman, de croire en tout ce qui est obligatoire, de croire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au début de cette sourate, illa allazina amanu, excepté ceux qui ont cru. Donc, ça c'est l'appel à la foi. Ensuite, il y a l'appel ou l'invitation à l'application de cette foi. Peu importe que ce soit au niveau ou au degré des obligations ou des choses qui sont recommandées dans la religion. Puis ensuite, il y a l'invitation des hommes à la vérité et à agir selon cette vérité et à être endurant et à faire preuve d'endurance et à faire preuve de patience face à aux difficultés et aux offenses qui risquent de nous atteindre lorsqu'on applique ces choses-là. Le cheikh, il dit donc que l'imam Shafi'i a donc eu raison de dire ce qu'il a dit au sujet de cette sourate, qu'elle aurait été suffisante si c'était la seule preuve qu'Allah avait révélée à sa création. Et que dire donc dans ce cas-là, si c'est pour cette petite sourate qui est très courte, elle est très courte, Et malgré ça, donc, elle contient toutes ces grandes significations-là par rapport à la religion, et qu'en un nombre si petit de phrases ou de mots, on est capable de, Allah subhanahu wa ta'ala, ramener de si grandes significations, eh bien, que dire du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, a ramené plein d'autres sourates. On sait qu'il y a 114 sourates dans le Coran. Donc, si cette petite sourate est suffisante, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié encore plus que ça pour nous, pour que justement on n'ait pas d'excuses. Hein? On n'ait pas d'excuses par rapport au fait de ne pas suivre la vérité. 114 sourates. Parmi ces sourates, il y en a qui sont plus longues, il y en a qui sont médiums, il y en a qui sont moyennes, il y en a qui sont plus courtes. Ça, c'est connu. Et il faut savoir également que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est chargé de le préserver aussi. Comme il dit dans le verset 9, dans Surat al-Hijr, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. Nous avons fait descendre le rappel et nous allons le préserver. Nous allons le garder. Il y avait un point que tu voulais relever ou soulever, ou une question? Non? Barakallahu fik. Le chef, il dit ensuite maintenant la parole de l'imam al-Shafi'i. Pardon, après la parole de l'imam al-Shafi'i, le chef, il mentionne maintenant la parole de l'imam al-Bukhari, qui est cité par le chef Mohammed ibn Abdul Wahhab juste après. Il dit, قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc le cheikh il mentionne cette parole qui est la parole d'un des grands savants de hadith parmi les savants des salaf, qui est l'imam al-Bukhari رحمه الله. Il dit donc dans son livre Sahih al-Bukhari, le chapitre la science passe avant ou bien vient avant la parole et l'action. Et la preuve de cela est dans le verset 19 dans Sourate Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dit: sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et demande pardon pour ton péché. Alors il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par ordonner la science avant l'action et la parole. D'accord? Donc on va commencer premièrement par l'explication de qui est l'imam al-Bukhari. Un petit résumé comme on a fait pour l'imam al-Shafi'i. Le cheikh il dit « Wa huwa Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Ju'fi, Abu Abdillah al-Bukhari, Jabal al-Hifd, Sahib al-Sahih, Imam Ahl al-Hadith fi zamanihi, al-Muqtada bihi fi awanihi, al-Muqaddamu ala sa'iri adrabihi wa aqranihi. أجمع العلماء على قبول صحة ما فيه وكذلك سائر أهل الإسلام. Donc le cheikh explique que le nom de l'imam al-Bukhari c'est quoi? Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira al-Ju'fi. Donc ça c'est son nom complet, et on peut continuer aussi, mais ça c'est son nom. Donc son nom c'est Muhammad. Il est le fils d'Ismaïl, donc son père s'appelait Ismaïl. Et le fils d'Ibrahim, donc le grand-père de l'imam al-Bukhari, son nom c'est Ibrahim. D'accord? Donc son nom c'est Muhammad, fils d'Ismaïl, fils d'Ibrahim, fils d'Al-Mughira. Al-Mughira c'est son arrière-grand-père. Al-Ju'fi. Abu Abdillah c'est sa kunya. Abu Abdillah c'est sa kunya. Et Al-Bukhari, on l'appelle Al-Bukhari parce qu'il vient d'une ville qui s'appelle Bukhara, hein, qui est dans yani le sud de l'ex-URSS, hein, dans les provinces au nord de l'Iran, hein, de l'Afghanistan, proche de ces régions-là. D'accord? Et Ouzbékistan, et Naam, Barakallahu Fik, dans cette région-là. Et dans cette région-là, il y a eu de grands savants à l'époque, parmi les grands savants du hadith et de la science. Ok, donc ça c'est l'imam al-Bukhari, une des montagnes dans la mémorisation et dans la mémoire de, par rapport au hadith. Et il est celui qui a rassemblé le livre qu'on appelle As-Sahih. C'est son livre et le livre de hadith le plus authentique dans l'islam. Et c'est pour ça que les ulama, lorsqu'ils parlent de Sahih al-Bukhari, ils disent « As-Sah أصح الكتب بعد القرآن. C'est-à-dire, c'est le livre le plus authentique après le Coran. D'accord? Donc, quand quelqu'un te ramène un hadith et qu'il te dit qu'il est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, ça veut dire que c'est un hadith authentique. Tu peux l'accepter les yeux fermés. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute. Hein? De même que le Sahih de l'imam Muslim, qui est aussi un livre de hadith authentique. Et l'imam Muslim est l'élève de l'imam Al-Bukhari. D'accord? Donc ça, ça fait partie des livres de hadith, parmi les livres les plus authentiques, comme on l'a dit. Et il était un modèle pour les gens de son époque, et yani, celui qui était à l'avant dans la science. Les gens l'appelaient Amirul Mu'minin fil Hadith, le prince des croyants dans le hadith, comme si c'était le chef à l'époque dans ce domaine. Hein, c'est lui l'autorité, hein, et la référence à cette époque-là. Il a dépassé tous ses contemporains dans ce domaine à l'époque. Et tous les savants de l'islam sont d'accord à l'unanimité sur le fait que ces hadiths sont authentiques. D'accord? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Naam, le cheikh, il dit, il est né en l'an 194. Il est né en l'an 194 après la Hijra. Et son père est mort alors qu'il était tout petit. Il a grandi dans la maison de sa mère. Et ça, c'est une chose qu'on a remarqué chez beaucoup d'entre les ulama, parmi les grands imams. Ils ont été élevés par leur mère. Et ils ont grandi dans les maisons de leur mère. Et leur mère avait tellement une grande amour pour leurs enfants et tellement une grande attention pour leurs enfants du fait qu'ils voulaient voir que ces enfants-là allaient devenir des hommes de science et qu'ils allaient étudier l'islam et apprendre le hadith, qu'elles les ont ramenés vers les ulama pour que les ulama fassent leur éducation. Parmi les justement les exemples de ces savants qui ont été éduqués par leur mère ou élevés par leur mère et que leur mère ont ramené aux ulama, il y a l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i dont on a parlé tout à l'heure, et l'imam Al-Bukhari, hein? Et il y en a beaucoup d'autres aussi comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui montre, yani, Allahu Akbar, yani, c'est quelque chose qui montre comment Allah subhanahu wa ta'ala il aide dans des situations comme ça parfois, que les gens disent: ah, mais un enfant est né dans une famille, le père il est décédé alors que l'enfant est jeune. Qui va s'en occuper, hein, s'il n'y a pas d'homme, s'il n'y a pas de père? Est-ce que cet enfant-là va être perdu? Eh bien, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, non. Hein, il fait en sorte que cet enfant-là soit, hein, avec une femme qui va justement faire en sorte, qui va prendre les causes nécessaires pour que cet enfant-là apprenne sa religion correctement. Et qui va être entouré par des personnes qui sont bien, hein? Et comme c'est arrivé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fik. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Ensuite, donc le cheikh il explique qu'est-ce que signifie cette parole de l'imam Al-Bukhari, bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Il dit qala wa qawl al-Bukhari rahimahullah bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal وتبويب البخاري وتراجمه تعتبر كقواعد فقهية وعلمية لأنه ينطلق مما يستمده من القرآن الكريم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضع ترجمة كهذه الترجمة باب العلم قبل القول والعمل أخذها من قوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ هنا بما بدأ الله عز وجل به فهذا الأمر المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك أمره الله بالعلم وما ذلك إلا لأن كل عبادة بدون علم لا يقيم الله لها وزنا بل لا بد أن يسبق العمل العلم حتى يكون العامل على بصيرة من أمره. Le Cheikh explique que cette parole donc de l'imam al-Bukhari, la science vient avant la parole et l'action. Ça c'est, le Cheikh il parle en premier des chapitres de l'imam al-Shafi'i, de l'imam al-Bukhari. Les chapitres de l'imam al-Bukhari sont considérés par les ulama comme des règles dans le fiqh et des règles aussi dans la science. Pourquoi? Parce que l'imam al-Bukhari a mis son fiqh dans les chapitres, dans les titres des chapitres de son livre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'imam al-Bukhari, quand il veut établir un point ou un sujet par rapport à l'islam, il ramène tous les hadiths qui sont rapportés ou certains hadiths qui sont rapportés au sujet, sur un sujet, et puis il met un titre à ce chapitre. Et dans ce chapitre, il y a donc la clarification de son opinion, de son point de vue à lui par rapport à ces preuves-là. D'accord? Et c'est pour ça que les ulama disent le fiqh de l'imam al-Shafi'i, il est dans ses titres, dans ses chapitres, dans les titres de ses chapitres. D'accord? Donc ici, il dit que le chapitre s'intitule « La science vient avant la parole et l'action ». Ça, il a pris de quoi? C'est quoi la preuve de ça? C'est tiré du verset 19 dans Sourate Muhammad, comme on a dit tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le verbe impératif « fa'alam », c'est-à-dire « sache ». فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Et demande ensuite pardon pour ton péché. Donc dans le Cheikh il dit donc que ici Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne donc de commencer par la science. Et ça c'est un ordre qui est donné à qui dans ce verset? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que ça veut dire que ça s'adresse seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. C'est un ordre qui est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui s'applique à toute la umma. Qui s'applique à toute la umma, parce que les musulmans, yani de la umma, sont obligés de le suivre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de connaître, de posséder cette science. Pourquoi? Parce que toute adoration que tu fais, si elle n'est pas établie sur une science, si elle n'est pas établie sur une preuve, elle n'aura aucune, elle n'aura aucun poids au jour de la résurrection. Cette adoration-là n'aura aucun poids dans la balance au jour de la résurrection. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te fatiguer autant que tu veux à faire des actes d'adoration et à dire des paroles qui ont rapport avec l'adoration jour et nuit, pendant toute ta vie, mais que si tu ne l'as pas fait en te basant sur une preuve et une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça n'aura aucun poids dans la balance au jour de la résurrection. Donc ne te fatigue pas pour rien. Et fais en sorte que ton adoration soit basée sur une science, c'est-à-dire sur une preuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça justement dans Surat Al-Kahf, à la fin de Surat Al-Kahf. La dernière page, il dit, yani, qui est-ce qui connaît le verset? Oui, mais c'est pas ça, ça parle de la personne qui pense faire du bien. Le verset, c'est quoi? C'est celui-là. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Donc c'est-à-dire, voulez-vous qu'on vous informe des personnes les plus perdantes en œuvre, ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie d'ici-bas, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien? C'est ça. Donc, ils s'imaginaient faire le bien. Et il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement, à notre époque. C'est-à-dire qu'ils font plein de bonnes actions, des choses qu'ils pensent être bonnes, mais ils ne les font pas selon les fondements et les bases de l'islam. Ils ne les font pas en se basant sur une référence de la charia, un hadith ou un ayat dans le Coran. Non. Ils font selon leurs émotions, selon leurs sentiments, selon, comme les soufis, comme on a dit tout à l'heure, ils se basent sur des rêves. Qu'est-ce que leur cheikh a vu dans un rêve? Qu'est-ce qu'un tel a dit? Ou, yani, parmi les khurafiyins, et les charlatans, et des choses comme ça. Donc, ça, c'est des exemples. Hein? Des gens qui gaspillent leurs efforts. Et il y a plein de gens comme ça qui prient. Hein? Même il y en a qui ont appris à prier depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont maintenant un âge très avancé. Ils n'ont jamais vérifié leur prière avec les preuves pour savoir est-ce que je prie selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou non. Parce que ils n'ont pas appris avec les preuves. Ils ne sont pas retournés avec les preuves. Peut-être que dans leur prière, ils font des choses qui sont incorrectes et ils ne le savent même pas. Donc c'est important de retourner et de chercher la science à propos de ces choses-là. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Donc le cheikh, il explique que l'adoration que tu fais, il faut qu'elle soit basée sur une preuve. Et il faut absolument que l'action soit précédée de science. Sinon, cette action-là ne sera pas acceptée. C'est comme on avait expliqué à ce sujet-là par rapport aussi à la croyance. Pour croire à quelque chose dans l'islam, il faut en premier avoir la connaissance et les preuves dans le Coran et dans la Sunna. C'est pas tu crois en premier à quelque chose ou à une chose quelconque, puis par la suite, tu vas chercher dans les versets, dans le Coran, quelque chose qui va supporter qu'est-ce que tu crois. Ça, c'est comme si tu veux mettre le chat devant les bœufs, comme on dit. C'est pas comme ça. Tu dois en premier connaître la preuve et croire en cette preuve. C'est pas tu t'inventes une croyance dans ta tête ou une idée dans ta tête ou une philosophie, comme certains le font parfois, parmi les soi-disant penseurs islamistes. Ils se font une idée dans leur tête, ils imaginent quelque chose, ou bien ils copient directement quelque chose qu'ils ont trouvé chez les koufars. Hein, ils ne vont pas se casser la tête. Hein, ils ne vont pas se casser la tête à inventer quelque chose parce que des fois ils n'ont pas la patience ou le temps ou l'intelligence. Donc ils vont dire, on va prendre ça, c'est déjà fait. C'est déjà prêt. Les koufars, ils l'ont pensé avant nous. Donc ils prennent cette idée et puis ils disent, comment on va faire pour rendre cette idée islamique? Comment on va faire pour que les musulmans acceptent cette idée-là comme étant quelque chose qui fait partie de l'islam? Eh bien, on va chercher dans le Coran des versets pour essayer de voir si c'est possible de faire croire aux gens que ça fait partie de l'islam. Donc, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher des versets très généraux, très vagues, pour essayer de faire rentrer ces principes-là dans l'islam. Et parfois, si ça ne rentre pas exactement comme il faut, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont essayer de tordre un petit peu le verset, de le déformer un petit peu dans son interprétation pour que ça passe. Hein? C'est comme quelqu'un, par exemple, les vêtements, il veut les mettre, mais c'est un peu trop petit pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il essaie de serrer l'affaire le plus possible. Hein? Et même s'il n'est pas capable, ben, il se force. Et puis, qu'est-ce qui arrive par la suite? Il déchire les vêtements. Eh bien, ils font la même chose avec la religion, ces gens-là. Ils trouvent la religion, elle est là, comme ça, mais ça leur suffit pas, ça les satisfait pas. Donc, ils vont chercher des idées chez les koufars, comme la démocratie, comme par exemple les idées, par exemple, de socialisme, ou d'autres parmi les idées des koufars. Et puis, ils essaient de dire, ça nous plaît, ça fait plaisir. Il y a des femmes parmi les musulmanes actuellement, elles ont essayé de rentrer dans l'islam, le féminisme des koufars, pour dire, maintenant on va faire la même chose, mais islamique. Donc ils ont fait ça. Socialisme islamique, démocratie islamique. Bientôt ils vont nous faire un christianisme islamique, et un judaïsme islamique aussi peut-être. Hein, a'ouzoubillah. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle essayer de suivre ses passions, de déformer la religion pour que ce soit en accord avec nos passions ou les passions de nos ennemis parmi les koufars. Donc ça, c'est pas correct du tout et c'est quelque chose qui est très dangereux. Et ça, ça vient à cause des gens qui n'ont pas de ilm ou qui suivent leur passion, même s'ils ont la science, mais ils ne veulent pas la suivre. Le cheikh, il dit ensuite, « وَسَبَقَ مَعَنَا أَنَّ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ مُقْتَرِنَانِ وأن من جمع بينهما فقد هدي إلى صراط المستقيم وأن من علم ولم يعمل فقد سلك طريق المغضوب عليهم وأن من عمل بدون علم بل على جهل وخطأ فقد سلك طريق الضالين وهذه قواعد معلومة من دين الإسلام بالضرورة. الشيخ الزيون a déjà expliqué que la science et la pratique, c'est deux choses qui sont reliées ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Il faut absolument qu'il y ait l'action et qu'il y ait la science et la pratique avec. Le cheikh il dit que celui qui a réuni ces deux choses, alors il a été guidé au droit chemin. Et que celui qui a eu la science mais qui n'a pas fait la pratique, alors il a suivi la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah parmi les juifs et ceux qui leur ressemblent. Et que ceux qui ont fait la pratique religieuse, mais sans science, ils se sont basés sur l'ignorance ou sur l'erreur, alors ils ont suivi l'exemple des égarés, c'est-à-dire l'exemple des chrétiens, et ceux qui leur ressemblent. D'accord? Et ça, c'est des règles qui sont bien connues parmi les règles de l'islam, et sont connues par nécessité. Tu ne peux pas ignorer ces choses-là, tu n'as pas le droit de les ignorer. Ensuite, le cheikh il dit, « Wa qawluhu, wa fi qawlihi, wa fi qawli Allahi azza wa jal, fa'alam annahu la ilaha illallah, yuhsinu bidda'iya wal mu'allim an yaqifa an ma'na hadhihi al-kalima, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, li yata'arraf ala arkaniha, أولا وعلى شروطها ثانيا وعلى حقوقها ومكملاتها بحسب الإمكان ثالثا وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أن لا إله إلا الله أن للا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا وواجبات. الشيخ explique que la parole de لا إله إلا الله, c'est-à-dire, quand Allah dit « فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ » sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Quand on arrive à ce verset dans le livre, c'est bien pour la personne qui fait de la da'wah, qui travaille dans la da'wah, ou qui est un professeur ou enseignant de l'islam. C'est bien pour lui d'arrêter avec ses élèves à ce moment-là pour expliquer qu'est-ce que ça signifie cette parole de « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ » La parole qu'on appelle en arabe kalimatul ikhlas, la parole de la pureté, hein, de la pureté de la croyance, al ikhlas, la sincérité et la pureté, la ilaha illallah. C'est important de connaître que cette parole, elle a des piliers et elle a des droits et des obligations et des choses qui la complètent. Il faut connaître ces choses-là. Donc, on va parler de ça maintenant. Et on ne va pas en parler trop longtemps parce que on est arrivé, disons, à la fin de notre cours. Mais on va s'arrêter sur ça. Puis, Inch'Allah, au prochain cours, on va rentrer dans l'énumération des conditions de la ilaha illallah. Premièrement, qu'est-ce qu'on veut savoir? La ilaha illallah. Qu'est-ce que ça signifie? Les ulama, quand ils mentionnent la signification de la ilaha illallah en arabe, ils disent que ça veut dire la ma'bouda haqqun illallah, ou bien la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi cette parole? Si on la regarde telle qu'elle en français, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça veut dire que s'il y a quelque chose sur terre ou dans le ciel qui est adoré par les hommes, autre que Allah, Naam, comme le shirk, qu'est-ce qu'on appelle le shirk, s'il y a quelque chose qui est adoré par les hommes sur terre ou dans le ciel, autre que Allah, ça veut dire quoi? Logiquement, c'est ça. Ça veut dire, en fait, toi, tu as élaboré un peu, mais moi, qu'est-ce que je voulais comme plus une réponse plus simple? C'est juste le fait que, quand on regarde la définition, on dit, rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Donc, si quelqu'un adore autre que Allah, parmi les choses, en dehors d'Allah, ça veut dire que cette chose-là qu'il adore, elle ne mérite pas d'être adorée. Donc, ça veut dire que ce qu'il fait, c'est faux. Et que son adoration, elle est fausse. Hein? C'est ça. Peu importe qu'est-ce qu'il adore en dehors d'Allah. Peu importe. Même si ce qu'il adore en dehors d'Allah, c'est un prophète. Même si ce qu'il adore en dehors d'Allah, c'est un saint. Même si ce qu'il adore en dehors d'Allah, c'est yani, hein, une tombe d'un saint, ou une croix, ou une image, hein, ou bien, comme certains parfois, qu'est-ce qu'ils adorent aussi, ils vont adorer des anges, ils invoquent des anges, ils prient des anges, ou bien ils prient un prophète, ou bien ils prient un shir, ou bien ils prient un marabout, ou bien ils prient un wali. Comment ils l'appellent? Sayyid, je ne sais pas quoi. Hein? Tout ça, c'est des exemples de shirk. Hein? D'accord. Donc ça, c'est la signification de la ilaha illallah. C'est bien important de bien comprendre qu'est-ce que ça signifie en français et de bien, bien savoir comment le traduire en français, parce que parfois, vous allez lire dans des livres, vous allez entendre certains conférenciers ou prêcheurs en français, quand ils traduisent le témoignage de la ilaha illallah, ils vont pas dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ils vont dire il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'est de Dieu que Dieu. Ça veut rien dire. Ou bien ils vont dire il n'est de créateur que Dieu. Hein? Et ça, tout le monde le sait. Même les idolâtres, ils savent ça. Les gens qui adorent les idoles, ils savent qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. Mais ils pensent quand même que les saints peuvent être des intermédiaires entre eux et Dieu. Et qu'ils peuvent se rapprocher à Dieu en passant par des saints, ou en passant par un prophète, ou en passant par un wali, ou ainsi de suite, ou par un ange, ou par un djinn, et ainsi de suite. Donc, le fait de dire il n'est de Dieu que Dieu, ça peut pas te sauver du shirk tout de suite. Et le fait que tu dises cette parole-là avec cette signification-là, eh bien, ça veut pas dire la signification que Allah a voulu dire par cette parole et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux mouchriquins à son époque et à ses sahaba pendant 13 ans à Mecca et par la suite également. Donc, quand vous entendez cette traduction, il n'est de Dieu que Dieu, tout de suite vous devez savoir que cette traduction, elle est incorrecte, elle est erronée, elle est incomplète, elle est insuffisante. Elle ne suffit pas pour faire entrer quelqu'un à l'islam. Pour que quelqu'un entre en islam, il faut qu'il accepte que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, par les hommes, c'est batil, c'est faux. Là, il entre dans l'islam, parce qu'il a rejeté tout, sauf Allah. Tandis que s'il dit, il n'est de Dieu que Dieu, c'est pas encore clair. Puisque même les chrétiens disent ça. Les juifs disent ça. Hein? Et ils adorent des morts, ils adorent des tombes, ils adorent des saints, ils adorent des croix. Hein? Ils adorent des prophètes, et ainsi de suite. Hein? Ils adorent la Vierge Marie, Sainte Marie. Exactement. Exactement. Donc, s'ils prient à Jésus, ils prient à un être humain. Et un être humain ne mérite pas d'être adoré. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est qui? c'est Allah. Pourtant, il y en a parmi les soufis, hein, qui adorent les qubur. En arabe, on dit qubur, c'est quoi? C'est les tombes. Ils font des pèlerinages à ces tombes et ils les adorent. Ils leur demandent la bénédiction. Ils leur demandent la guérison pour des maladies. Ils leur demandent de leur donner un bon travail. Hein? Donc il y a plein d'exemples, plein de choses de ce genre. Nous, on sait que les morts, ça y est, une fois qu'ils sont morts, c'est fini. Ils peuvent rien faire pour te nuire, ils peuvent rien faire pour te profiter. Mais eux, ils pensent que c'est le contraire. Ils pensent que les morts peuvent faire quelque chose pour toi, même s'ils sont morts. Non, ils ont toujours des shubuhat. Et comme les ulama ont expliqué, même les pires idolâtres sur terre, ils essaient toujours de ramener une raison logique pour justifier leur idolâtrie. Il n'y a pas un mushrik, quelqu'un qui est associé avec Allah, excepté qu'il ne va pas essayer de ramener une explication rationnelle ou logique au shirk qu'il fait pour le rendre acceptable. Mais toutes ces analogies ou ces formes d'arguments soi-disant rationnels qu'ils rapportent sont incomplets ou incorrects, faux. Hein? Leurs arguments sont des arguments complètement faux. Hein? Comme les chrétiens, ils ont plein d'arguments, des shubuhat qu'on appelle. C'est pas des preuves, c'est des shubuhat. Parce que les koufars et les gens de bid'ah, ils ont pas de preuves, ils ont des shubuhat. Des choses qui sont ramenées pour tromper les gens, pour leur faire croire que c'est vrai, mais c'est du mensonge camouflé par des belles paroles ou bien par des analogies incorrectes. Donc, premièrement, on veut savoir, par rapport au témoignage de la ilaha illallah, il faut savoir qu'il est basé sur deux piliers. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui connaît c'est quoi les deux piliers de la ilaha illallah? Ça, c'est le témoignage lui-même. Mais peut-être que là, vous ne l'avez pas encore. Certains d'entre vous, je sais que vous l'avez appris. Mais d'autres, peut-être que vous ne l'avez pas appris. Ta réponse, qu'est-ce que tu réponds? C'est ta parole, qu'est-ce que tu dis, c'est correct, sauf que ce n'est pas la réponse à la question que je veux. D'accord? Qu'est-ce que je demande, c'est arkan al-shahada. Est-ce qu'il y en a un qui le connaît? Ahmed. Barakallahu fik. Je n'espérais pas moins de ta part, mon frère. Barakallahu fik. Donc, la négation et l'affirmation, ce sont les deux piliers du témoignage de la ilaha illallah. Dans le témoignage de rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il y a deux parties. Il y a l'affirmation et il y a la négation. D'accord? La ilaha, c'est la négation, et illallah, c'est l'affirmation. D'accord? Le cheikh il dit: أما النفي فمأخوذ من قولك لا إله وأما الإثبات فمأخوذ من قولك إلا الله والمعنى العام لا معبود حق إلا الله وحده دون سواه فعبادته هي الحق وعبادة غيره من أصنام وأوثان وأرباب تعبد من دون الله عبادة باطلة يسأل عنها من وقع فيها وعبادة غير الله أكبر معصية على وجه الأرض وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به بدليل أنه لا يغفر لصاحبه إن مات على ذلك لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لقول النبي صلى الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Le cheikh il dit, donc il y a la négation et l'affirmation. La ilah, il y a rien, il y a pas de ilah, il y a pas de ilah. Et ilah, ça veut dire quoi? Les ulama en arabe, quand ils expliquent l'ilah, ils disent ça veut dire al-ma'boud. Al-ma'boud, al-ma'boud, ça veut dire la chose qui est adorée. Donc ça veut dire la ilah, il n'y a pas de chose adorée excepté Allah. Cette phrase-là, elle est incomplète, si tu le traduis littéralement comme ça. Et c'est pour cette raison-là que les ulama, ils complètent la phrase en disant, il n'y a rien qui est adoré, mais plutôt pas qui est adoré, parce qu'il y a plein de choses qui est adoré. Donc ça prouve que c'est pas ça la signification. Si la signification c'était de dire il n'y a rien qui est adoré, ce serait quelque chose qui serait le fait de nier la réalité de qu'est-ce qu'on constate. La réalité qu'on constate, c'est que plein de choses sont adorées par les hommes. Le soleil, la lune, les anges, hein, les prophètes, les morts, les tombes, toutes ces choses-là sont adorées. Donc de dire que rien n'est adoré, sauf Allah, c'est incorrect. Donc la vraie signification, c'est quoi? Rien ne mérite d'être adoré. Rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Rien ne mérite d'être adoré, ça c'est la négation. Excepté Allah, ça c'est l'affirmation. Et donc, pour que ta foi dans l'islam soit complète, il faut qu'il y ait ces deux aspects, la négation et l'affirmation ensemble. Tu ne peux pas juste dire « je crois en Dieu » puis tu t'arrêtes. Parce que le fait de dire « je crois en Allah » ou en son existence, ça ne fait pas de toi un musulman. Tant que tu n'as pas renié tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que tu dises, je crois à l'existence d'Allah, c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est le mensonge, et c'est faux, et je le rejette complètement, et je m'en désavoue. Et je me désavoue de tous ceux qui adorent autre que Allah. C'est ça la signification, d'accord? An-nafyu wal-ithbat. Ça, c'est les deux piliers de quoi? Du shahada, deux piliers du témoignage de la ilaha illallah. Le cheikh, il dit, la signification générale de ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, en dehors de toute autre chose. Et son adoration est une adoration de vérité, c'est-à-dire Allah, il est adoré en vérité. Et l'adoration d'autres que lui, parmi les idoles, parmi les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, eh bien, c'est une adoration qui est totalement fausse. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est une adoration qui est mensongère et fausse. Et la personne qui adore autre que Allah, elle sera questionnée au jour de la résurrection à ce sujet-là. Et il faut savoir cette chose-là qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas un péché qui est plus grand pour Allah que le fait d'adorer autre que Allah. Hein? Il n'y a pas un péché sur terre qui est plus grave, qui est plus sérieux, qui est plus dangereux, qui est plus interdit que le fait d'associer avec Allah dans l'adoration, en d'autres mots que de faire le shirk. Hein? Tous les péchés, tu les prends, tu les mets ensemble, ils ne sont pas plus graves que le shirk. Tes œuvres sont vaines, exactement. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui fait le shirk avec Allah, son œuvre, elle est annulée, elle est vaine. Elle est complètement annulée, vaine. La preuve de qu'est-ce qu'on vient de dire, c'est dans le verset 48 dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, qu'on associe d'autres avec lui dans l'adoration. Mais il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc, par exemple, peu importe que ce soit le meurtre, ou le zina, ou boire de l'alcool, ou manger du porc, hein, ces péchés-là ne sont pas plus graves que le shirk. Le shirk est plus grave que tous ces péchés-là ensemble. Et aujourd'hui, pourtant, il y a beaucoup de musulmans, si tu leur demandes c'est quoi le plus grave péché, ils vont te dire tuer, ils vont te dire voler, ils vont te dire faire le zina. Ils vont te dire manger le riba. Et pourtant, ces choses-là ne sont pas, c'est pas le plus grand péché. Si quelqu'un parmi les musulmans qui est sur le tawhid, qui adore que Allah, qui n'associe rien avec lui, meurt sans avoir associé rien avec Allah et qu'il a commis des grands péchés, eh bien, il est sous la volonté d'Allah et sous sa miséricorde. Si Allah veut, il va lui pardonner ces grands péchés-là qu'il a commis. il va le faire rentrer au paradis directement. Ou bien il va le faire rentrer en enfer pour un certain temps, puis il va le rentrer au paradis par la suite. Parce qu'il était sur le tawhid, il n'a pas commis de shirk. Tandis que celui qui est mort sur le shirk, même s'il n'a jamais commis des grands péchés, il n'a jamais fait le zina, il n'a jamais tué, il n'a jamais volé, il n'a jamais mangé de riba, il n'a jamais commis aucun de ces grands péchés-là. Mais il a commis le shirk avec Allah, il a invoqué un saint, il a prié au prophète, il a prié un ange, il a égorgé un animal pour un wali ou pour un djinn. Lui, il a commis un acte de shirk, il ne sera jamais pardonné pour ce qu'il a fait. Il rentre en enfer pour l'éternité, parce qu'il est mort sur le shirk. D'accord? Donc si on demande à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus grave? Le shirk avec Allah ou l'Holocauste? Le shirk est plus grave. Si on demande, qu'est-ce qui est plus grave? Hiroshima ou le shirk avec Allah? Le shirk est plus grave. Et pourtant, si tu regardes dans toutes les constitutions et toutes les lois des koufars sur la terre, tu regardes les crimes en ordre, c'est quoi le plus grand crime pour eux? Est-ce que c'est le shirk? Non. Pour eux, le shirk, il est halal. Pour eux, le shirk, il est halal parce que c'est la laïcité. Même le système est basé sur le shirk. C'est-à-dire, dans la laïcité, tu as le droit d'adorer toutes les divinités que tu veux, toutes les idoles que tu veux, toutes les tombes que tu veux, faire n'importe quel shirk que tu veux, parce que c'est légal selon leur loi. Alors que la première chose que Allah a interdit à tous les prophètes, c'est le shirk. Et le premier ordre que Allah a envoyé, avec lequel Allah a envoyé tous les messagers d'Allah, c'est quoi? C'est d'établir l'adoration d'Allah seul, le tawhid. Hein? Donc ça c'est très important de le comprendre, parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils n'ont pas compris ce principe-là. Ils ont négligé son importance. Et c'est pour ça que beaucoup de musulmans sont mélangés dans l'islam, dans leur compréhension de l'islam. Donc il y a une autre preuve que le cheikh a mentionnée dans les hadiths, à propos du fait que le shirk c'est le plus grand de tous les péchés. Il dit, il rapporte ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, ayyu dhanbi a'zam, c'est quoi le plus grand péché? Il a dit, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est-à-dire que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Un égal, de quelle façon tu lui donnes un égal? Dans l'adoration. Tu donnes à Allah un égal dans l'adoration, parce que tu lui offres l'adoration qui est un droit exclusif d'Allah. Donc en faisant ça, tu le mets à égalité avec Allah. Alors que c'est Allah qui t'a créé et non pas cette chose que tu adores en dehors d'Allah. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Ça, c'était pour expliquer donc les deux piliers du témoignage. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va rentrer dans un point qui est très important et très intéressant, Inch'Allah, qu'on appelle Ash-Shurut, Shurut al-Shahada, yani Shurut la ilaha illallah, c'est-à-dire les conditions de la ilaha illallah. Et comme les ulama l'ont expliqué, la ilaha illallah, ils ont comparé cette parole à une clé. Et ils ont dit que cette parole, c'est la clé pour entrer au paradis. Alors les ulama, comme par exemple Wahb ibn Munabbih, quand on lui a posé la question à propos de justement la ilaha illallah, est-ce que tout le monde qui est-ce que c'est vrai que la ilaha illallah c'est la clé du paradis? Il a dit oui, c'est la clé du paradis. Mais il a dit toutes les clés, n'importe quelle clé que tu prends, je vais vous donner l'exemple, même si vous savez très bien, mais toute clé, elle a des dents. Il a dit, la ilaha illallah, c'est la clé du paradis, mais à condition que tu aies les bonnes dents sur cette clé. Si tu n'as pas les bonnes dents, tu ne peux pas rentrer au paradis avec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas juste une parole que tu prononces comme ça. Il y a des conditions à cette parole. Et c'est de ça qu'on va parler mercredi prochain, Inch'Allah. D'accord? Donc on s'arrête ici. pour aujourd'hui. J'avais une extinction de voix depuis 4 jours. Aujourd'hui, je commence à avoir un peu plus la voix. Mais ce n'est pas ma voix habituelle. Allah Ta'ala. Espérons qu'Allah Ta'ala, il me donne sa guérison. Hein, et il la donne à tous les musulmans. Hein. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا